on a pas fait de contrat, mais je me rappelle que je gagnais 35 francs de l'époque par jour et il me payait le voyage pour aller et le voyage retour si je faisais pas l'affaire. Le voyage depuis Mirecourt. Oui. Donc c'était J'ai pour une voyagé, période. j'ai pris le train à la gare de Mirecourt. J'ai voyagé toute la nuit et le lendemain matin, Denis Granier m'attendait à la gare.